Sur cette route, la visibilité vers l'avant est suffisante pour envisager le dépassement des deux véhicules qui précèdent. D'autre part, la signalisation n'interdit pas le dépassement, et aucun des véhicules qui me suivent n'a signalé son intention de dépasser. Tout au long du dépassement, je n'oublierai pas d'actionner le clignotant gauche afin que mon intention soit clairement comprise par les autres conducteurs. Réponse